Désolé pour cette musique d'ascenseur de merde. À chaque fois que vous entendrez cette musique, c'est que le podcast va être coupé pour que je donne mon avis. Moi, c'est Vincent. Vous allez m'entendre encore tout à l'heure me représenter. Je vous laisse écouter ce podcast et à très vite. Bon, bah déjà, on va commencer à présenter le podcast. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Lucie. Alors, c'est simple, on va faire un podcast qui s'appelle Les Colocs. Parce que bah, pour l'instant, bah, on est chez nos parents, déjà. Précisément, on est chez mes parents. Oui, actuellement, ouais, c'est tes parents, c'est vrai. Mais là, d'ici le 15 mars, on va avoir notre appartement ensemble, enfin. Ouais. Puis, on avait dit début janvier. Début janvier 2020, ouais. Ouais, ouais, on est 15 mars. Voilà, tout va bien. On est large. Ouais, on a voulu faire un petit podcast pour montrer un peu ce que c'est une coloc, tout ça. Et voir en fait tout au long de la coloc comment ça va se passer, si je vais la supporter. Si je vais le supporter. Surtout, on va commencer à se présenter déjà. Hein. Du coup, Lucie et moi, on se connaît depuis 5-6 ans. Depuis 2016 à peu près. 2016. On peut dire comment on s'est rencontré quand même. Enfin, alors non. Comment on s'est rencontré au début ou comment on s'est re-rencontré il y a environ 4 ans. Vincent et moi, on s'est rencontrés en réel, on se connaît depuis. Ouais, ouais. La primaire. Ouais, c'était la primaire. Parce qu'on a été en primaire CM2, ensemble. CM1, CM2. En primaire, on n'était pas forcément les meilleurs potes du monde. Pas du tout. En fait, on était juste dans la même école, voilà, concrètement. On se parlait pas. Et en 2016, je crois. Ouais, ça devait être ça, à peu près. On s'est revus. Comment dire? J'ai rencontré son frère. Ouais. On s'est revus par ce biais-là, et puis bah on a continué à se voir depuis. Ouais, mon frère avec qui tu n'es plus. Voilà, donc voilà, je ne vois plus son frère. je continue à voir. Moi, je reste pote avec les ex de mes frères, tu vois. Tout à fait. Pour essayer de les pécho après, c'est le but. Là, c'est long. on s'était dit sur un soir alcoolisé, hein, où c'est je t'avais promis que même si t'étais plus avec mon frère, on resterait amis. Et bah malheureusement, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et là, ça va trop lent, on fait des colocs. Du coup, on s'est rencontrés comme ça. On est restés amis, ouais. Et du coup, on a un peu déjà vécu ensemble. Du coup, oui, quand j'étais avec ton frère, vous viviez vous deux en coloc. J'étais là, quoi. J'étais là. Ouais, elle était là et elle squattait. Hein. Complètement. Ouais, c'était un squat. Ouais, du coup, moi, j'ai déjà fait des colocs. J'ai fait 3 colocs. Donc, on a déjà fait une. Ouais. Ouais, c'est pas très bien tout se passer, hein, On a même beaucoup hésité, beaucoup parlé avant d'accepter, enfin, de se dire que cette idée de coloc pouvait être bonne, justement parce que nos histoires précédentes, on va dire, en colocation n'étaient pas forcément. Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Moi, autant, j'ai fait 2 colocations, moi, avec mon frère, et une colocation à Angers avec des amis. C'était pas fameux. Et toi, du coup? Et moi, c'était avec une amie du lycée. Donc voilà, donc on a hésité, on a parlé, on s'était mis d'accord sur plein de choses. Pour continuer à se présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille dans la restauration, je suis responsable de salle. Je suis soudeur en intérim dans mon métier de base et j'aimerais par la suite faire du stand-up. Je fais déjà quelques petites scènes par-ci par-là. Et là, on va prendre un appartement dans une toute petite ville. Et du coup, toi, tu vas être un peu loin quand même. Ouais. Un peu loin. Moi, il faut savoir que là, actuellement, du coup, pour le moment, jusqu'au 15 mars, je vis chez ma mère qui vit à 5 minutes du boulot. Donc, je vais avoir la joie de faire 30 minutes de route d'ici un mois ou deux pour aller au boulot tous les jours. Donc, ça va être assez sympa. Oui, bah oui, super sympa. Moi, ça va, j'ai 15 minutes, bah, ça sera toujours plus long que là. On a essayé de trouver un juste milieu, maintenant, bon, on pourra parler aussi de la visite qu'on avait fait. Oui, ah ouais, on a fait beaucoup de visites, pas bête, j'aurais pas pensé, mais ouais, on a fait beaucoup de visites. On a fait une visite, on a regardé beaucoup d'annonces et on a fait une visite qu'on pourra raconter. Ah bah là, on peut commencer, non, si on peut en parler là. Donc on a en premier c'était du coup l'appartement là en fait là on va habiter là où ton père vit actuellement. C'est ça. Son père va déménager et du coup on va reprendre l'appartement. Et juste après avoir visité cet appartement-là, on avait rendez-vous dans une petite ville juste à côté, où c'était une maison qui avait l'air plutôt sympa sur les photos, assez grande. Bon, nous, le fait que ce soit une petite ville, un petit village un petit peu paumé, ça nous pose pas de soucis, limite au Non, non, oui. contraire, parce que c'est calme et qu'en plus on va avoir deux chats, chose dont on pourra parler aussi, je Ouais, pense, très surtout, on va rapidement. avoir. Alors, tu vas avoir deux chats, moi, j'ai pas Oui, de chats. j'ai mes deux chats Ouais, qui viennent avec moi. je suis obligé de subir. Vas-y. Et donc oui, on est arrivé. Donc déjà, on a pris beaucoup de temps à trouver le lieu. Ouais, déjà, c'était. Ouais, c'est compliqué sur l'adresse. Parce que toi, t'avais eu Le le monsieur au monsieur. téléphone. Enfin, j'ai essayé de l'avoir parce qu'il parlait très très mal. C'est un vieux de la campagne qui vraiment avait un bel accent qui. On comprenait pas tout ce qu'il disait. L'appartement, il faisait froid déjà, hein, un Il faisait peu très froid. très froid parce qu'il manquait du fioul, c'était du chauffage au fioul. Les pièces étaient... Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais vraiment, j'ai pas compris le dispatch des pièces dans cette maison. Oui, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ces anciennes maisons, il y a beaucoup de couloirs et tout, C'est c'est pas comme ça. maintenant. On a fait deux fois le tour de la maison. Ouais, pour être sûr, mais moi j'étais sûr. Moi, il m'a fallu la deuxième fois pour comprendre, pour ne pas me perdre dans cette maison. Ouais. Donc déjà, de base, ça partait mal. Après, c'était grand. C'était grand. Franchement, c'était grand. C'était C'était grand, pas c'était si mal. sympa. Il y avait un terrain, il y avait une petite cour. On n'était pas directement À la à route. la route, donc ça c'était cool. Mais on aurait limite dit une maison délabrée, parce que quand tu Ouais. regardais les murs d'un petit peu plus près, c'était assez effrayant, quoi. Ah, c'était bah, l'humidité, tout ça. C'est ça. La salle de bain était magnifique. La salle de bain était Ouais, de deux vasques. vasques. De vasques. De vasques. C'était vraiment ce qui a plu. Hein. Les C'est toilettes à l'extérieur de la salle de de la salle bain. de bain. Génial. Ah, tu vois là, c'était chaque qui commence à casser les couilles. Voilà. Là, ça sent la coloc. Ça sent. Va bien se passer la coloc. Mais non, à part ça, bah, le fioul, il fallait mettre 500 euros dès le départ. C'est ça, et remplir le fioul, le remplir une fois qu'on partait aussi. Ouais, une fois qu'on partait, c'est ça. Fallait, Donc bon, déjà, ça se sentait pas super bon. Nous, après, à ce moment-là, on avait déjà compris qu'on voulait pas prendre cette oui. maison. Pas les proprios. Les proprios, ils sont pas compris. Les proprios nous ont séquestrés, je pense qu'on peut Ouais, dire on ça, peut dire, c'était. Ouais. pendant une bonne demi-heure, Ouais, c'était long. Hein. C'était à long. nous demander ce qu'on faisait dans notre vie. Après, c'était pas méchant, mais c'était des petits vieux, ils avaient besoin de parler, voilà. Ils nous auraient invités à boire un café, ça m'aurait pas étonné. Oui. Mais J'aurais pas dit c'était. oui, mais. Non, non, non. Non. Du coup, on l'a pas pris. Parce que on venait bien avoir chaud et qu'il faisait très très froid. Et on a pris du coup l'appartement de ton père, là où ton père est. On avait un petit peu hésité pour l'appartement dans lequel mon père est là actuellement. En soi, la seule hésitation qu'on avait, je pense, c'était surtout le fait que mon père, du coup, emménage juste à côté. C'est-à-dire que vraiment, ça serait notre voisin direct et savoir si vraiment ça pouvait me poser problème ou pas. Je vous avais dit que je reviendrais. Évidemment que Lucie a peur que son père soit à côté. Si jamais elle ramène un garçon un soir très tard, bourré. Si jamais elle fait du bruit et que son père l'entend, elle en a très peur. Mais elle ne le dira pas. Elle n'ose pas l'avouer. Mais clairement, l'appartement dans lequel on va être, il est neuf, quoi. Ouais. Enfin, il est propre. Il n'y a pas de travaux à faire, sauf un petit peu de peinture Ouais, ma dans chambre ta est rose. chambre. Bah, j'ai rien contre le rose, mais c'est pas ma couleur favori. Du coup, on va changer ça. Mais à part ça, À part non. ça, on n'avait rien à faire et le loyer est correct. Et enfin, Mmh. franchement, moi, j'avoue que. C'était la peur. De toute façon, on a vu cet appartement pour la première fois tous les deux parce que moi, j'étais jamais encore Ouais, t'étais pas venue venu. chez lui. J'aurais imaginé un petit peu plus grand. Ouais. Avec le recul, je trouve que c'est très bien aussi, quoi. Après, il y a un petit jardin et ça, c'est bien. Et Ça, c'est ouais, bien, il y a un ouais. petit jardin. Donc voilà. Du coup, on s'est arrêté sur cette maison et enfin, cette maison-appartement d'ailleurs, on sait Bah, toujours pas trop on sait comment le toujours pas parce qualifier. qu'il faut monter une cage d'escalier pour accéder à l'appartement. Et de l'autre côté, il y a un jardin. Donc on sait pas exactement ce que c'est. En tout cas, on peut y vivre. Ça, c'est bien. C'est tout ce qu'on sait. C'est ça. Donc on s'est arrêté sur cette maison-là. Et pas trop peur pour ton père à côté. Honnêtement, si j'avais eu des parents envahissants, ça m'aurait posé souci. Je sais que mon père est assez cool pour savoir que chacun, autant moi que lui, doit rester à sa place. Ouais, et puis moi, c'est un motard, un peu ton père, on peut le dire. Moi, il me fait un peu peur, du coup, on va essayer de rester calme, pas faire trop de bruit, parce qu'il déménage, ouais, je sais quoi dire, du coup. C'est ça. Et en même temps, je me dis que, enfin, moi, dans mon cas personnel, ma mère déménage loin. Et le fait que mon père soit pas très loin, ça peut aussi permettre de garder des rapports familiaux un peu plus simples. Parce que moi, comme je l'ai dit au tout début, moi, je suis dans la restauration, clairement, c'est compliqué de croiser des gens quand tu travailles sur les heures de repas, alors qu'en général, alors, tu croises des gens. Mais voilà, là, je vous présente le chien de ma mère. Voilà, alors, un peu de bruit, parce qu'on est encore du coup chez la mère de Lucie. Il y a un peu les chiens se battent, tout ça. Les chiens qui ne viendront pas. Ils ne viendront pas. J'aurais essayé pour le chiot, mais... Il en est hors de question. Là, déjà deux chats présentent tes chats. Ils vont être importants. Alors, on a Lana, qui est la plus vieille et la plus grosse. Et qui a 5 ans. Et on a Pomme, qui a moins d'un an. Petit bruit derrière là, c'est les chiens, c'est pas... Attends. Alors là, vous voyez pas, mais Lucie court pour attraper le chien. Et pour ce qui... Ah ouais, il se battait avec... Elle faisait chier. Ouais. Et donc, ouais, on a Pomme... une rescapée que j'ai sauvée dans un buisson. Et qui a... Par contre, elle est même pas un an, non? Elle a même pas un an, elle est née... Elle est grande. Oh, elle va bientôt avoir un an. Elle est grave grande, hein? Elle est d'avril. Tu es sûr, c'est pas un chat du manga qui va grandir de ouf, non? Peut-être. Mais non, parce qu'elle va falloir prendre un appartement pour le ouais, non, je ne déménage pas, c'est mort. Mais donc, voilà, on a eu de la chance, ou pas, je sais pas, parce qu'on aurait fini par trouver par nous-mêmes de toute façon, ouais, je pense. Ouais, sûrement. Mais on a eu la chance d'avoir mon père qui s'est arrangé de trouver des locataires assez rapidement et nous de trouver l'appartement quand même très cool tout ouais. de suite. Et donc du coup, voilà, ça s'est arrêté là. On a aussi beaucoup de chance d'avoir presque rien à acheter, en fait. Non, bah, c'est toi qui as la plupart des choses. Hein. En vrai, moi, si je pars, je partirai pas pour ça, hein, parce que sinon j'irai tout acheter. Hein. Ouais. À part le frigo, machine à laver, tout ça, c'est toi. Hein. Ouais, bah après, le fait aussi que la maison dans laquelle je vis actuellement soit vendue dans pas longtemps, c'est ouais. vrai que ça nous, c'est cool parce que ça nous permet de récupérer pas mal de choses, pas mal de meubles. Mmh. En vrai, on va en récupérer très peu par rapport aux possibilités. Si je pouvais, enfin, j'aurais possibilité de récupérer la table qui est dans le salon de ma mère, le canapé, le machin, le truc. Après, pour une question de taille, parce que là, on est dans une maison. Mmh. On va arriver dans un petit appartement, clairement, si on prend le canapé d'angle, on n'a plus de quoi mettre un frigo, quoi. Mais là-dessus, ouais, on a beaucoup de chance. Là, on a appris aujourd'hui. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'on allait emménager vers le 15. Ouais. Et on a appris aussi aujourd'hui qu'on avait, avec l'appartement, le four et la plaque à induction. Je suis sûre. C'est des petits cadeaux, des petits bonheurs dans la vie. Super content. Ça n'a pas de prix. Je voulais savoir, moi, si tu avais un peu des inquiétudes par rapport à moi, ma façon de vivre, ma façon d'être. Quelles sont les inquiétudes de quoi je t'avais déjà parlé? Après, c'est vrai que, comme on disait plus tôt, le fait qu'on ait déjà un peu vécu ensemble, en quelque sorte, ça rassure déjà. Maintenant, on a un groupe d'amis qu'on ouais. adore tous les deux autant et sur lesquels il n'y a aucun souci qu'ils viennent à la maison et... On risque de les voir deux fois plus puisque c'est aussi autant chez toi que chez moi. Ce qui pourrait m'inquiéter, c'est le fait que toi, t'as des amis de l'extérieur qui sont pas forcément, mais qui sont pas mes amis. Ouais, tu les connais, mais c'est pas tes amis. Ouais. Et que je suis quelqu'un de très asocial et que ça risque occasionnellement de me faire chier. Alors c'est surtout pour ça. En fait, on a pour la chambre, en fait, il y a deux chambres, une qui est petite, une qui est grande. Du coup, moi, je connaissais Lucie, je sais très bien que quand ça va la saouler, elle va aller dans sa chambre. Je me suis dit, donc, vaut mieux qu'elle ait une grande chambre, comme ça, elle me casse pas les couilles. Elle va dans sa chambre, elle est tranquille. C'est ça, maintenant. Après, c'est pareil, c'est une crainte... Oui, c'est une crainte sans lettre, parce que je sais très bien aussi que si réellement... je sais très bien que t'inviteras pas des gens toutes les deux heures ou à des heures improbables et qu'il y a le respect mutuel vis-à-vis du fait qu'on ait des horaires de boulot différents et qu'on communiquera là-dessus aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des craintes que j'ai, mais c'est plus la crainte de se dire « Putain, il y a lui qui vient, et franchement... » Naïve petite Lucie, évidemment que je vais inviter des gens que tu n'aimes pas, et très tard, de façon à te déranger au maximum, des soirées tous les soirs, énormément de bruit. Mais ça, Lucie, tu l'ignores. Tu l'apprendras très rapidement, mais ce sera trop tard. Non, on va pas dire de nom. On va pas dire de nom. J'en ai pas en plus. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est plutôt ça de se dire. Forcément, quand tu arrives chez toi, le fait de voir des potes que tu connais depuis toujours et que t'adores, il y a pas de souci. Le fait de voir des gens que tu connais pas, que tu les aimes ou pas. Bon, voilà quoi. Être en contact avec des gens que tu connais pas, tu dois faire l'effort. Des gens, hein, pour toi, de toute façon. Voilà, tu dois faire l'effort. Et quand tu rentres du boulot, t'as pas envie de faire l'effort. Et bah là, du coup, je vais devoir m'entraîner à faire un petit peu plus l'effort. Mais en soi, voilà, il y a ça. Maintenant, l'organisation au quotidien, en fait, les choses que on a déjà vécues ensemble, mais c'était pas chez moi. Donc, en soi, j'avais pas de choix à faire ou de décision à prendre par rapport à la vie en commun, puisque moi j'étais chez le frère d'eux, donc ouais, chez toi, mais en l'occurrence j'étais chez surtout là parce que lui était là. Et ça sera l'organisation en commun, comment on va réussir à s'organiser pour les courses. Ouais, après ça c'est pas vraiment un truc qui m'inquiète, tout ce qui est courses, ménage, argent, c'est pas des trucs qui m'inquiètent avec toi. Je sais que pour ça il y a pas de souci. En revanche, moi par exemple, tu vois, ça me dérange pas du tout que ça m'invite du monde. Moi, enfin, je suis très sociable et je parle bien aux gens. Et à l'avantage, et en fait, je pensais à ça la dernière fois, parce que j'aurais pas pu faire une coloc avec qui que ce soit d'autre dans le groupe d'amis, parce que maintenant, on est les deux seuls à se retrouver célibataires. C'est vrai. Voilà, on va pas... C'est vrai, c'est vrai. On est les deux seuls à être célibataires. Et il faut qu'on en parle. Tout le monde pense qu'on va se pécho. C'est vraiment quelque chose... alors que toi... Non. Non, malheureusement. Et moi, j'essaye. Non, vraiment, on n'a pas du tout envie du tout, mais... Ils sont persuadés qu'à un moment ou à un autre, à force de rester ensemble, on va finir par se pécho. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer ce podcast par ça. Oui. On n'est pas en couple et on ne le sera jamais. Pas du tout, non. Et c'est un souhait d'aucun des deux. Si on devait comparer notre relation, ce serait plus une relation fraternelle qu'autre chose. Friendzone direct. Là, C'est pas possible. Je pense qu'on sait trop de choses l'un sur l'autre pour pouvoir un jour se dire qu'il puisse se passer quelque chose, quoi. C'est juste pas possible. Et pour ma part, on passe pas derrière son frère. Vraiment. Aussi, c'est des choses qu'on a pas le droit de faire. Il y a un respect dans la famille et tout, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, ouais. Depuis qu'on a annoncé, avant même de savoir qu'on avait trouvé un appartement, avant même d'avoir une date ou quoi. À partir du moment où on a annoncé à notre entourage en commun qu'on allait emménager ensemble, moi je m'attendais à ce que des gens disent: ah, mais t'es sûr, est-ce que tu vas le supporter, ou toi, pour toi, est-ce que tu vas la supporter, parce que on est tous les deux chiants sur certains points forcément. Et non, ça a pas été ça, quoi. Clairement, ça a tout de suite été vous allez coucher ensemble au bout de combien de temps? Ah ouais, non, et même ma mère, elle est persuadée que je vais sortir avec toi. Elle dit: ouais, mais t'as pas envie d'être avec Lucie ou quoi? Non, du tout. Mais ça, c'est parce qu'elle veut trop qu'elle redevienne ma belle-mère, c'est ça. Bien évidemment. Ça doit être ça, le manque, sûrement. Hein. Et en parlant de célibat, ça fait combien de temps, Lucie, que tu es célibataire maintenant? Il est long, c'est Vincent. C'est combien de temps que je suis célibataire, Vincent? Le dernier, c'était, on va l'appeler G. Ouais. Je sais pas, mais c'est à toi de savoir. C'est... On est en février. Un an maintenant? Non. Un peu moins. Un peu moins d'un an? Oh, ça fait déjà ça aussi longtemps? Bah ouais. Ça fait, je dirais, allez, on va dire 8 mois, histoire. À peu près. Un peu moins d'un an. Honnêtement, je saurais plus dire. Je suis nulle avec les dates. Et moi, non, ça fait longtemps. c'était. On est en 2000. Ah, ça veut être. Voilà, moi je le compte en mois. Ouais. Déjà. Moi je le compte en année déjà. On est à. Voilà, un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an. Et c'est pas si mal. Moi, de mon côté, je suis assez bien célibataire. Je le vis bien. Et toi? Moi, ça me va très bien aussi. Et honnêtement, je pense qu'on est dans une période de nos vies, tous les deux, où on a des projets autres que juste chercher un mec ou une fille. Ou voilà. C'est pas... Et c'est aussi pour ça qu'on peut encore une fois attester que... On n'en est pas là pour pouvoir se dire qu'on va coucher ensemble un jour. Ouais, ouais. Mais on veut coucher, mais pas ensemble. Mais voilà, pas ensemble. C'est les projets, d'ailleurs. Non, c'est... Le projet, c'est de coucher. Là, c'est... Mais pas ensemble, je le répète, encore une fois. Exactement. Va falloir rappeler régulièrement, quand même, parce que sûr, vous allez me dire, oui, faut vous mettre ensemble. Non, pas du tout. Mais ouais, puis il y a aussi la question de se dire... Moi, pour ceux qui ne connaissent pas le futur coloc, ceux, mes collègues qui te connaissent pas forcément ou quoi, quand je leur dis je vais emménager en colocation, automatiquement ils parlent d'une amie qu'on a en commun qui était aussi collègue, donc du coup que mes collègues connaissent. Ah, on peut le dire Justine, Justine. De base c'était tout de suite, ah bah tu vas emménager avec Justine. Et quand j'annonçais que c'était avec un homme, tout de suite c'était ah bon, mais ça va pas faire bizarre. Et même quand je leur disais mais c'est un pote, c'est un pote comme c'est comme Justine est une pote où il se passera rien. Une fois qu'ils avaient compris qu'il se passerait rien, ils se sont dit mais ouais, mais c'est un mec. Peut-être qu'il va ramener une fille un jour. Et peut-être que toi tu vas ramener un mec. J'espère. Ramener une fille un jour. Et puis c'est pas la même chose. Il y a des choses qu'on peut se permettre entre filles, qu'on peut pas se permettre entre filles, garçons, et puis ce genre de choses. Il y a beaucoup ce genre de choses qui est venu ouais, sur le tapis. Ouais, moi ça va. Oui, mais on m'a dit, ouais, ça va être une fille, c'est un peu... Mais en vrai, t'es un bonhomme. Hein. Non, on va pas se mentir, t'es un bonhomme. C'est... Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je suis un bonhomme, et lui est à peu près... à peu près autant de temps que moi dans la salle de bain. Ah donc, ouais, du non, coup... vraiment, c'est que c'est un bonhomme, et que vraiment... Tu sais, souvent on dit que les filles, ça crase derrière le dos, tout ça, alors que Lucie, non, pas du tout. C'est ça, surtout pour ça que je voulais faire une collègue avec toi. Parce que s'il y a un souci, t'iras pas en parler aux autres. T'iras en parler aux autres, mais t'iras aussi m'en parler à moi directement. Il n'y a pas de filtre ou quoi. Je crois que c'est la première chose, c'est l'une des premières choses qu'on s'est dit quand on s'est vu autour d'un café pour discuter vraiment de tout et sans filtre de tous les points. Possiblement positif et possiblement négatif d'être en coloc, c'était au moins on sait que à la minute où il y aura un truc qui n'ira pas, où il y aura un doute ou des nouvelles peurs qui arriveront par rapport à la coloc, ça sera pas dans 3 mois qu'on en parlera, ça sera sur le moment parce que de toute façon on sait très bien que justement on sait parce que ça nous est déjà arrivé, parce qu'on a déjà eu des colocs, on sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionnera. Et puis c'est pas comme dans un couple, en fait, on n'a pas d'argent, donc personne va partir, c'est sûr. On va rester, c'est mort, faut reprendre un truc tout seul. Non, c'est trop chiant, donc ouais. On va faire des efforts et on va bien s'entendre. Après, on s'est mis des règles, hein. Première règle, personne ne couche dans le lit de l'autre. Ça, c'est... On a le droit de coucher dans le salon ou pas? C'est un long débat. On est encore en conversation là-dessus, effectivement. Ouais, c'est compliqué. Ou sinon, on prévient. On rentre pas tout de suite. C'est mieux. Mais bon, c'est des choses... Après, on s'est fixé des règles de base, parce que on sait que c'est des problèmes qui pourraient arriver, entre guillemets, problème, c'est pas forcément le mot, mais qu'il y a des choses qui pourraient arriver. Donc, mais fixer des règles, c'est très bien. Donc, c'est aussi très bien qu'on peut pas tout prévoir d'un coup, et c'est là aussi que le podcast est intéressant, parce que dans 3 mois, on reviendra sur des choses qu'on a peut-être dit. Oui, alors, pas tout. Pas tout. Le lit restera ton lit. Non, si tu commences à dire, ouais, mais t'es sûr, dans le lit de l'autre, on peut pas, là, non, on va commencer à revoir la coloc, non, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur ce projet de coloc? On s'est fixé des objectifs. Ouais, beaucoup d'objectifs. Alors, premier objectif, on a fait un pari qui nous tient à cœur. On doit arrêter les restaurants à partir de début mars. Là, en fait, on enregistre le podcast un mois avant. Hein. On est le 15. Tu mets combien par mois à peu près dans les restos, toi? Je pense que je fais... Honnêtement, je pense que je dois faire en moyenne 3 restos, voire 4 par mois. Ouais, non, parce qu'on a dit qu'on comptait les fast-food. Ouais, on comptait les fast-food. Il faut savoir que moi, tous les dimanches, je mange McDo. Donc déjà, ça va être difficile parce que c'est le rituel au boulot. Et puis à peu près à chaque fois que j'ai des jours de repos, je pense que je fais au moins un resto par semaine. Bon, on en revient là, on en revient d'un resto. On en revient tout juste. Ouais. Et moi je peux pas vous dire combien parce que j'ai pas assez de doigts. Non, je mets au moins 300-400 € par mois dans les restos. C'est une grosse somme. Honnêtement, j'ai jamais pensé à calculer. Je pense que je le ferai. Mais j'ai jamais pensé à calculer vraiment ce que ça me coûte. En plus, quand je vais en resto en général. Je fais pas spécialement gaffe au prix parce que je me dis c'est le moment d'en profiter quoi. Clairement, je mange des pâtes à la maison. Si je vais au resto, c'est pas pour me dire ça coûte trop cher. Ouais. Donc je pense qu'on doit avoisiner la même somme que toi. Ah ouais, c'est. Mais peut-être. Après, toi, t'as cet avantage-là que tu vas avoir dans ce pari, c'est que tu travailles dans la restauration et forcément le midi, tu manges au restaurant. Tu manges pas forcément. Oui. Ce que tu proposes à la carte. Mais pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, ils savent très bien. Moi, je mange clairement tous les jours. À chaque fois que je bosse, je mange du steak haché et du riz. Hein. Ouais. Parce que tu ne supportes plus ce qu'il y a sur les cartes. À ce point-là? Ah ouais, ouais, ouais. Bon, après, demain, on me propose une côte de bœuf, je la mange, on est bien d'accord. Oui, bah oui. Mais on sait aussi tous très bien que ça n'arrive jamais. En parlant de Côte de Bœuf, aussi projet pour moi, je sais pas si pour toi, moi mon but aussi c'est bien arrêter un petit peu la viande. En fait, moi de mon côté, c'était surtout essayer de mieux me nourrir. Je mange pas beaucoup de viande en général parce que j'aime bien manger des bons plats. Si on me donne une bonne côte de bœuf, clairement, je vais pas cracher dessus. Ils interviennent parce que cela va être très long. Lucie va nous parler du fait qu'elle veut bien manger, qu'elle veut ceci, qu'elle veut cela pour son bien-être, son corps, alors qu'elle sait autant que moi que cela est faux. Et qu'elle ne tiendra jamais. Mais je sais pas cuire de la viande, je sais pas acheter de la viande. Donc en général, j'en mange pas tant que ça. Par contre, manger mieux et le fait de moins consommer de viande, pour plusieurs raisons que je pense tout le monde connaît, c'est un projet aussi que j'aurais, mais qui je pense sera beaucoup moins difficile pour moi que pour toi. À savoir que Vincent, quand je l'ai re-rencontré, a clamé qu'il était devenu végétarien. C'est arrivé, ça a duré... 2 semaines. Tant que ça, 2 semaines, s'il le dit. Il dit craquer sur une crépinette. Quel gâchis. Non, ouais, c'est... Et en fait, je vois les végétariens, tout ça, ils se respectent vraiment. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui fume une cigarette. On sait que c'est pas bien, mais on la fume quand même. Et ça va être très compliqué, très compliqué. Très grand fan de saucisson. Je suis un bon français, voilà, j'aime tout ce qui est viande, tout ça. Et ça va être compliqué. Mais c'est dans le but. Je sais que... Bah là, je suis ma mère, du coup, forcément, quand elle fait à manger, j'ai pas craché dessus, j'ai mangé. Quand c'est moi qui achète à manger, je peux plus me dire « Ah non, je vais pas prendre ça, je vais pas prendre ça. » Ça va être plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre ? En projet ? Au projet, il y a aussi, pour ma part, donc toi, ce qui était difficile, ce qui va être difficile... Enfin, difficile, plus ou moins. Après, ça va pas être la mort, on peut dire ça aussi. Mais ce qui va être difficile pour toi, ça va être de peut-être diminuer la viande, et pour moi, ça va être d'arrêter la cigarette. Oui. Parce que j'en ai parlé, mais j'en parle encore un peu. Voilà, on va y aller tranquillement. Vincent, toi, tu fumes pas. Jamais fumé. T'as jamais fumé et t'es contre la cigarette. Maintenant, tu fais pas chier. Absolument. Tu fais pas chier ceux qui fument parce que tout le monde autour de toi fume. Ouais. Presque. Bah oui, non, mais c'est ça. Moi, je suis de fumeur passif, hein, vraiment. Moi, je fume depuis quelques années déjà et je fume beaucoup et j'en ai marre. Je dis ça, je viens d'écraser une cigarette. Hein. Ouais. Mais j'en ai marre et j'aimerais arrêter de fumer et je me dis que peut-être le fait que je ne pourrais plus fumer à l'intérieur, puisqu'on s'était fixé ça aussi comme règle. Oui, ça va, principe. Voilà. De ne pas fumer dans l'appartement. Je vais tenter d'arrêter de fumer petit à petit pour finir par arrêter complètement. Et la perte de poids. Ouais, parce que nous deux, on est, on peut le dire, en surpoids. Bien sûr. Voilà, on tient très bien par terre, vraiment. On est accroché au sol, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, il faut vraiment qu'on perde du poids. Donc ça, c'est un des projets. Oui. Un des projets aussi. Mais tous ces projets-là, on va vous en parler pour voir si on tient. On rappelle, on l'a pas dit, mais pour les restaurants, du coup, vu qu'on arrête tous les deux, si on doit arrêter ce pari, parce qu'en fait, on a parié, si vous voulez, un mois de loyer, donc qui est de 310 euros. On a tous envie de les garder, ces 310 euros. Si on veut tous les deux craquer, on fera un resto ensemble, et pas avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on aura tous les deux perdu, on arrêtera ce pari. En revanche, sinon c'est 310 euros. Et on est franc, même si l'autre n'a pas vu ou quoi, on dira on a fait un resto et on sera les 310 euros. Ouais, c'est pas... Ouais. C'est un vrai truc. Moi, je suis pressée de savoir combien de temps on va réussir à tenir. 2 semaines. Je suis même pas... C'est ça, je suis... En fait, je suis même pas pressée de savoir qui va gagner ou qui va perdre. C'est même pas ça, c'est juste combien de temps on va réussir à tenir. Parce que... Ouais, moi, comme je disais, tous les dimanches, je sais que encore là demain, je sais que je vais prendre un McDo parce que c'est une habitude au boulot et que c'est même plus pour le plaisir de bouffer McDo, c'est juste pour le plaisir de bouffer avec les collègues. Donc rien que ça, je sens que ça va pas être simple et on se rend pas compte en fait hein, que je pense qu'on réalise pas encore que ça va être ouais, bien difficile. C'est une vraie drogue. Hein. C'est une vraie drogue et puis c'est pas que s'interdire les restos entre nous, c'est s'interdire les restos avec tout le monde. Quand t'as un pote qui va te dire on fait une sortie, ok on va au resto et tu vas devoir dire non, et que tu vas te retrouver un peu comme un con à pas rester chez toi. Avec tes haricots verts. Avec tes haricots verts et donc pas du tout de viande. On va essayer. Ça va... Je pense que ça va être difficile. Je suis pressée de voir combien de temps ça va durer. Bah, c'est simple, on va tous être en état de stress, hein. Plus de resto, plus de viande, plus de cigarettes. La colloque va pas durer longtemps, vraiment. On va tous se prendre la tête. On va vite se détester. Ouais, c'est sûr. Du coup, on a tout ça et on vous en parlera du coup tout le long de la colloque. Et voir du coup si on tient, si on tient pas, les progrès qu'on a fait, les kilos qu'on a perdus, les clubs qu'on a arrêtés. Est-ce que tu voulais parler d'un truc? Bah non, là ce que je voulais dire par rapport aux différents challenges, on va dire qu'on s'est fixés déjà, c'est je trouve ça plutôt cool dans le sens où les challenges qu'on s'est fixés, c'est tous des challenges positifs. Vous avez bien compris qu'on se fixait pas le challenge du nombre de shots qu'on allait boire. Non, et d'ailleurs, dans ce podcast, on parlera ni d'alcool, ni de drogue, ni de sexe. On vient de perdre 70% des auditeurs. Là, tous, ils me disent, ah, non, non, on arrête. On arrête. Même Non, moi, non, j'ai arrêté non. d'écouter Lucie est partie. Mais non, enfin, je trouve ça cool parce que en soi, enfin, on a une vie quand même plutôt saine. Ouais, ok, d'accord, je fume, ça c'est pas bien. On mange de la viande, trop de viande Par quand même contre, de tu vois, ça, c'est un près. truc qu'on s'était pas dit, on s'est pas dit, on va baisser l'alcool. Ça, non, on n'a pas Non, dit ça non. c'est vrai. Ça, c'est... Mais on n'essaye pas de devenir parfait, irréprochable sur notre vie, Ah sur non, notre absolument santé, pas. Hein. etc. Mais par contre, je trouve ça cool parce que c'est quand même pour tout, c'est des challenges plutôt positifs et positif autant sur notre santé que sur notre porte-monnaie, et ça c'est cool, et si on y arrive sans se détester, ça pourrait être sympa. Et la salle de sport, on a oublié d'en parler. Salle de Et sport. la salle de sport, on est tous les deux à une salle de sport différente. Ça fait combien de temps que tu n'y es pas allé? Je crois que c'est l'heure d'arrêter le podcast, non? Ouais. Non, ça va La faire. salle de sport, j'y suis retournée il y a pas si longtemps que ça, mais ça faisait déjà. En fait, j'ai dû y retourner il y a un mois. Mais ça faisait 2 mois que j'avais pas été à la salle de sport, donc clairement, on va dire que ça fait 3 mois que j'ai pas été à la salle. Voilà, bon. J'ai l'excuse que tout le monde sort. Je suis fatiguée par le travail. Il fait froid. Je Il trouve fera chaud après, hein. il fera trop chaud Ouais, après. bah oui. Et je trouve plus mes affaires de sport. Bon voilà, faut que j'y retourne, quoi. Tout ça pour dire qu'il faut que j'y retourne. Ouais, moi ça va, je suis allé lundi. Lundi, j'ai fait un peu de crossfit. Je me suis fait très mal. Je me suis fait très mal. Je pense que j'ai une hernie, c'est pas sûr. Mais je tiens, ça va, la salle de sport, je tiens. Depuis que j'ai commencé, j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. Des fois, il suffit deux, trois fois. Ouais, là-dessus, tu tiens beaucoup Ouais, plus ouais. que moi, pour le coup. Ouais, ça, pour ça, y a pas à dire. Il y a aussi, alors, un truc qu'on aimerait faire. Il y a un jeu, c'est pas, tout le monde connaît, je pense. Enfin, les alcooliques connaissent. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. J'ai acheté le jeu Je n'ai jamais. Et, du coup, il y a plusieurs questions. Si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas le principe, on pose une question en disant Je n'ai jamais. Et si on l'a déjà fait, on boit. Nous, on va faire ça autrement. Je vais lire une carte, Je n'ai jamais. Lucie va nous dire oui ou non. Et va nous expliquer l'histoire, si elle veut bien. Et moi, de même. De même, si vous avez un commentaire à nous proposer des je n'ai jamais, n'hésitez surtout pas. Donc, on va commencer. Coucher avec quelqu'un moins d'une heure après l'avoir rencontré. Moins d'une heure? Moins d'une heure. Non, moins d'une heure, je pense pas. Non. Moins d'une heure, tu penses pas? Moi non plus. Moi non plus. Coucher avec quelqu'un, c'est assez compliqué, mais moins d'une heure. Était cocu avec quelqu'un que je connaissais. Alors non, je crois. Alors officiellement, je pense Non, en ne fait, vous l'avez pas jamais. vu, mais Lucie est avec la bouteille de Muscat et elle me dit je peux me resservir. Non, je demandais si tu en Oui, c'est ça, revoulais. c'est ça. Allez. Officiellement, je pense ne jamais avoir été cocu. Après, si quelqu'un a des annonces à me faire, allez-y, Alors mon frère, non, on va éviter. Ouais, non, l'alcool, on n'a pas dit qu'on arrêtait, hein, je le rappelle. Et non, j'ai été cocu, mais pas avec quelqu'un que je connaissais, j'espère pas. Parce que ouais, c'est des choses qu'on ne sait pas vraiment. Et t'es recalé de boîte de nuit car c'était trop saoul. Ah, tu vas pas souvent en boîte de nuit, toi. Non, j'ai dû y aller 3 fois, je crois. Et j'étais pas saoul. C'est peut-être pour ça que j'y suis retournée 3 fois, d'ailleurs. Ouais, non, mais moi j'y vais régulièrement, mais saoul, non. Il n'y a pas des trucs qu'on pourrait appeler des vraies histoires. Attends, il y a Louis Dubourg, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, on lui a envoyé un message parce qu'il y a eu un problème avec le podcast. On voulait faire un podcast du coup, on lui en a parlé. Et il m'a répondu parce qu'on avait un souci. Louis Dubourg, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait un podcast qui s'appelle Un Café de 7. C'est un humoriste. Alors déjà, je tiens juste à faire une petite parenthèse. Quand il dit un petit problème, on a pris environ 1 heure Ouais. à essayer de monter un logiciel. Voilà, petit problème. On a cru qu'on allait abandonner, hein, clairement. Si, je voulais parler de tes chats. Ouais. Tes chats, tes deux chats, ça va se passer comment avec le changement? Parce qu'ils n'ont jamais changé de lieu. Et moi, ça me fait très peur. Pas te mentir, ça me fait très peur. Alors, bah déjà, faut savoir que la plus grande, Lana, je l'ai récupérée chez... Enfin, je l'ai récupérée, elle était assez petite. Mais elle a vu le changement quand elle était toute petite. Et honnêtement, maintenant qu'elle est un peu vieille, elle a que 5 ans, mais ça fait déjà assez vieux pour un chat, je pense clairement que ça va pas poser de problème. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est pour la plus petite, qui forcément est, on va dire, plus en forme et qui court et saute un petit peu plus partout. Honnêtement, je pense qu'ils vont très vite se faire à l'appartement. Maintenant, voir ce qu'ils vont faire des meubles. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de... Là, vu que en soi, ils peuvent rester chez ma mère le temps qu'on emménage tranquillement. J'avais prévu de les prendre avec moi à un moment où je bosserai pas en fait, où je serai là toute la journée pour pouvoir voilà quoi, checker un peu comment ça se passe et si vraiment ça se passait trop mal, voir pour en ramener un chez ma mère en attendant de trouver une solution ou j'en sais rien. Honnêtement, il est hors de question que je me sépare de mes chats. Je pense que pour ceux qui ont des animaux, ils comprendront très bien. Ils sont très très jeunes. Vous savez, les chats de Lucy, c'est un peu comme les personnages de Game of Thrones. Ne vous y attachez pas. Ils vont mourir très vite. Une voiture qui passe un peu rapidement, un chasseur qui le compare à un renard, ça peut aller très très vite. Maintenant, c'est pas des chats qui posent problème en soi. Non, c'est vrai, ça va. Moi, pour les avoir vus quelques fois, quand même, ça va. Honnêtement, ça va, ouais. J'aurais des chiens. Là, ouais, clairement, je pense qu'on n'aurait même pas posé la question de la coloc, quoi. Les chiens qu'il y a actuellement chez moi, non, c'est pas possible. Mes chats, je pense que, après avoir, on sait jamais, mais je pense qu'ils se feront très facilement à l'appartement. Eux, de toute façon, à partir du moment où ils ont une gamelle à droite, une gamelle de croquettes à droite, une gamelle de dos à gauche et un endroit pour se poser, et ils seront bien et normalement ça devrait être bon et sans qu'ils aillent dans ta chambre. J'avais une autre question à te poser. D'après toi, qui fera le plus souvent la cuisine? Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser à une petite conversation qu'on a eue tout à l'heure en allant à Carrefour. Absolument, oui, on a un concours à faire. On en a un autre. Celui qui fera les plus beaux macarons. Et les meilleurs. Parce que Vincent proclame que ses macarons sont meilleurs que les miens. Effectivement, mais c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai fait des macarons magnifiques. Donc on ira voir. Mais comment elle se la pète, cette pute? Vraiment, elle pense vraiment que ses macarons sont meilleurs que les miens. On verra ça. Pour ce qui est de celui qui fera le plus la cuisine, honnêtement, je pense que ça sera toi. Possible. Après, moi, j'aime ça, ça va. Moi, j'aime ça, ça me dérange pas. Après, faire la cuisine, donc honnêtement, non, puis même, c'est pas franchement quelque chose qui me... Je pense que je ferais beaucoup le ménage. Plus que moi? Je sais pas, parce qu'on est plutôt pareil par rapport à ça. Je sais qu'il y en aura pas un qui va se dire, putain, celui-là, il est trop bordélique ou des trucs comme ça. Mmh. Maintenant, je pense que je ferais plus le ménage, plus que toi, je sais pas, mais en tout cas, plus que faire de la cuisine, ça, c'est sûr. La cuisine, honnêtement, ouais, non, je pense que tu feras plus. Et c'est pas plus mal, parce que vraiment, ouais, je bosse dans la restauration, et oui, je suis en cuisine, et vous inquiétez pas, j'ai jamais intoxiqué personne, mais à la maison, c'est différent, je m'en sors moins bien. Ouais, c'est... Tu as mangé une seule fois, vraiment, je crois. C'est possible. Fois. Ici, là, c'était ici. C'était pas mauvais, non, on va pas se mentir, c'était pas mauvais. Non, c'est mais voilà, matin, je fais des trucs qui se mangent. Après, moi, j'aime bien inviter des gens. Donc j'aime bien faire des repas avec notre groupe d'amis, et c'est pour ça que je disais que je voulais absolument une grande table, parce que je voulais, parce qu'on est 6 dans le groupe d'amis, donc il nous faut une table à 6 places, tout simplement. J'en ai envie. En soi, faire la cuisine quand t'invites des potes et de se retrouver en fait dans un gratin de courgettes, un plat convivial et tout, il n'y a pas de souci, je suis contente de faire à manger, quoique j'en ai perdu un petit doigt quand je vous ai fait à manger l'été dernier. La mandoline a eu raison de mon petit doigt. Le problème, c'est plutôt ça, c'est que je suis franchement pas douée avec les objets coupants, on va dire. Et elle était serveuse avant, donc elle est très maladroite pourtant. Et ouais, et pourtant je casse. Et c'est là que c'est quand même fou, hein, quand même, parce que au boulot ça va, mais alors dès que je débadge, c'est fini. Hein. C'est fini, ouais. Je sais plus mettre un pied devant l'autre. Parlons des amis. Ouais. Il est possible, même voire sûr, qu'ils interviennent hein, dans le podcast, qu'ils viennent de temps en temps, qu'on soit 3, 4, 5 par la suite, pour voir ce qu'ils pensent de nous. Ils pensent que la coloc se passe bien ou pas à leur vue, parce qu'ils vont nous tenir souvent, je pense, il y a de grandes chances. Et qui départagent un petit peu peut-être certaines mésententes, certains conflits. Qui va y avoir, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Les premiers, franchement, j'ai aucune idée du conflit pour l'instant qu'il pourrait y avoir entre nous, hein. Vraiment. Moi, je pensais peut-être au fait qu'on vivra dans un appartement qui est assez petit et qu'on a des horaires complètement différents. Peut-être le bruit quand l'un se réveille ou quand l'autre rentre, peut-être. J'avais pensé à ça et encore, franchement, t'es plutôt discret. La nuit, je ronfle beaucoup. Ouais. Ça c'est ouf. C'est pareil, on dort pas dans la même chambre, donc est-ce que vraiment, si je l'entends de ma chambre, ouais, ça va être chiant. Ouais, moi c'était plutôt ça, quoi. Les horaires, c'est-à-dire que moi je rentre plus tard que toi. Ouais. Et moi je suis pas en week-end quand t'es en week-end. Et quand toi tu vas vouloir faire venir des amis à la maison, pour une soirée, moi je serai au boulot et après j'essaierai de dormir. Ce genre de choses, peut-être. Ouais. Elle va m'interdire de voir des gens, c'est sûr. Ouais, non, c'est vrai, je pensais pas forcément à ça dans les embrouilles. Je pensais plus à, quand même un peu le ménage. J'ai quand même un peu peur que de temps en temps, le ménage, tu sais, moi, je trouve pas le temps de le faire. Ou tu me dis, t'aurais pu faire mieux. Pas des grosses embrouilles, mais c'est vrai que j'ai pas pensé au bruit qu'on pourrait faire le week-end. Ouais. Après, c'est pareil, bon, moi je dis ça, le week-end, jusqu'à 1h du mat, oui, je suis pas là, quoi. Là, actuellement, il est minuit 20 quand on tourne le podcast. Mm. Et tu travailles demain à 13h. Ouais, 13h, ça va. Je commence tard. Ouais, ça va. Mais en soi, je suis pas une couche tôt non plus, donc, voilà. Ouais, moi je pensais à ça. Après, le ménage, honnêtement, je pense pas, parce que je pense que j'ai des périodes où je suis assez maniaque, mais je suis pas le type de personne maniaque, à aller reprocher aux autres le fait que ce soit le bordel, sauf si c'est vraiment le bordel. Je suis plutôt du style à passer derrière, quoi. Ouais. Et je sais très bien qu'avec toi, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas quotidiennement, quoi. J'ai des gens avec qui je sais que je pourrais pas vivre parce que justement on a des j'allais dire des hygiènes de vie peut-être un petit peu extrêmes, mais clairement parce que c'est des gens un peu plus bordéliques et que. Ouais, ce serait plus compliqué. Ce serait compliqué, quoi. Maintenant, je pense qu'on va avoir des surprises de toute façon, que ce soit de venant de toi et venant de moi, on ne sait pas, c'est différent. Oui, on a vécu ensemble un petit peu, mais c'était dans un autre contexte, c'était il y a quelques années. On a tous les deux des trains de vie différents et des projets différents. Et à l'époque, j'étais en couple. À l'époque, t'as été en couple aussi. J'ai vécu avec le Vincent célibataire et j'ai vécu avec le Vincent en couple pendant un certain temps. Plus le 20 ans Vincent célibataire que Vincent. Plus le 20 ans Vincent célibataire, c'est vrai. Mais on a été c'était dans une période où on faisait beaucoup plus la fête aussi. Ouais, c'était. Il y a des moments comme ça que j'aimerais quand même retrouver. Moments où vraiment, j'ai l'impression que tu sais, on vieillit un peu. Ouais. Parce qu'on a fait des soirées du coup. En fait, moi avec mon frère, on avait eu une maison. Hein, c'était une maison de ville de 100 mètres carrés avec un salon énorme. Il faisait très froid, c'était des murs en pierre, il faisait très très froid. Du coup, on faisait beaucoup de soirées, c'était très grand. Et ouais, on a de très très bons souvenirs, comme de très mauvais d'ailleurs. Ah ouais, mais, ouais. Non, mais ce qui était génial avec cette maison, c'est que c'était une salle des fêtes, clairement. Ouais, vraiment. C'était pas une maison, c'était une salle des fêtes. Mais il y avait des gens qui passaient devant et ils nous disaient, ouais, c'est un bar ici, et on voit tout le temps des gens devant qui fumaient, tout fait, non, et tout, c'est un appartement. Et nous, clairement, là, avec la colocation qu'on va commencer dans très peu de temps, ce qu'on cherche, c'est pas à ce que chez nous ce soit une boîte de nuit ou que ce soit tout le temps la fête à une époque où clairement on se bourrait la gueule. Ouais. Là où on a enfin sur ce point de vue-là, on est plutôt d'accord à se dire que on. Les bruits on derrière, c'est pas Lucie, hein, c'est le chien. c'est pas le. c'est pas Lucie. Encore et toujours, mais on déménage bientôt, vous inquiétez pas. On sera content de savoir qu'il y a souvent des gens à la maison. Ouais. Ça, c'est un truc sur lequel on est d'accord. Que nos amis, ils viennent, entre guillemets, parce que bon, n'abusons pas quand même, mais ils peuvent venir quand ils veulent. Ouais. Et qu'on sera toujours content de les voir. Après, faudra pas faire trop de bruit parce que ton père, il me fait peur. Comme il habite juste à côté, on va faire gaffe quand même. Et puis en plus, il est, du coup, il sera mon garant, donc ce serait quand même bien dommage que. C'est dommage que. Et il s'entend bien avec notre proprio, donc. Non, on va essayer de faire gaffe quand même. Mais ouais, voilà quoi. Nous, on veut que notre maison, elle soit, enfin, notre appart soit accueillant pour nos amis. Mais on n'aura pas le même point de vue qu'il y a quelques années, je pense. Après, ça va quoi. On n'a pas 40 ans. Hein. On va le rappeler. On a 22 ans. Ouais, on a pas dit 22 ans. 22 ans pour moi, 23 ans pour toi bientôt. Bientôt. Ça va tarder. Je fais fêter mon anniversaire quelques mois après le déménagement. Ouais, faudra le dire aussi. Ouais, ça va. Enfin, honnêtement, je suis super pressée de vivre ça pour voir ce qui va se passer, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et je pense que ça sera forcément mieux que ce qu'on a pu vivre à l'époque. Même si, effectivement, il y a des soirées qui nous manquent énormément, mais c'est aussi parce qu'on grandit, qu'on vieillit et que on a maintenant dans notre groupe d'amis, tout le monde a un boulot, tout le monde a quelque chose à faire et tout le monde a sa vie privée aussi à côté de nous et ouais. Du coup, on a moins le temps, mais c'est pas plus mal non plus parce qu'on a d'autres projets et c'est génial aussi, comme par exemple retourner à la salle de sport et arrêter de fumer. Absolument. Donc on va peut-être très vite se remettre aux grosses soirées, je vous le dis, c'est beaucoup plus simple. c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que le podcast va vraiment nous aider. On va pouvoir discuter et en vrai, il y aura un truc qu'on va vouloir faire toutes les semaines. Mm. On sera pressé que ça sorte. Moi, j'étais très pressé. Comme toi aussi, on en parlait un peu avant, on était très pressé de le faire. Moi, j'ai reçu le micro hier, on a voulu tourner le podcast directement. On en est très contents. Je pense qu'il y a une vraie réévolution dans le podcast aussi. Parce que là, on a fait un peu à l'arrache. Ah oui, oui. On est revenu du resto, c'est dire on tourne et puis c'est tout. En fait, je pense qu'on avait besoin de faire un podcast pré-emménagement pour mettre en place C'est l'épisode la chose, voilà, expliquer ce que c'est. Et puis ensuite, on se lancera réellement dans ce qu'est le podcast comme on l'imagine. Et oui, effectivement, il y aura plein d'évolutions. Enfin, j'imaginais même pas par combien de choses on est passé avant de réussir à enregistrer ça. Ah ouais, c'est effrayant. Et puis c'est pareil, on va s'organiser sur quand est-ce qu'on le tourne, quand est-ce qu'on le poste, quand est-ce que... Voilà, il y aura... Ça va être cool, franchement. Et vraiment, si vous avez des questions sur... vous arriverez à faire une colocation, vous avez des questions sur nous, vous voulez faire une colocation avec des amis, vous avez des questions, ouais, comment gérer l'argent, comment gérer tout ça, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez faire une colocation à trois pour qu'on divise encore plus le loyer. Ça sera dans le salon, malheureusement, il n'y a que deux chambres. On dormira dans le salon, mais il y a de la place. Après, tout dépend de la personne qui emménage. Hein. On peut faire de la place dans une chambre. Un homme beau, de préférence. Ou une femme mignonne. Absolument. On prend tout ce qu'il y a, sans bon, on en est. Voilà. Ça fait 53 minutes exactement qu'on parle. On va s'arrêter là. On va juste dire, on vient d'ouvrir nos réseaux sociaux. Oui. C'est toi qui as géré ça. Je vais te laisser les dire. Alors, du coup, on a Snap et Twitter pour le moment. Notre Twitter, c'est du coup @lescolocs5. @lescolocs5. Donc, tout en minuscule, tout attaché. Et coloc avec un S, du coup. Et pour le compte Snap, c'est les-du-6, coloc, pareil avec un S, tout attaché. C'est la fin du podcast. Comme vous avez pu le voir, Lucie a beaucoup d'espoir dans cette colocation. C'est bien la seule. On sortira un épisode tous les dimanches à partir du jour de l'emménagement. Le prochain, du coup, ce sera juste après l'emménagement. Il va être très intéressant. On va avoir pas mal de choses à dire, je pense. N'hésitez pas à nous poser des questions ou nous dire si vous avez aimé, pas aimé, ce qu'on devrait changer. Ou nous donner des idées. À la prochaine.